Hey, toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. C'est une friperie en ligne fondée par Norman qui chine et reverse une partie de ses bénéfices à des associations à but non lucratif. Avec Norman, on aime passer de longues heures à discuter autour d'un café. Parfois, on refait même le monde. On parle de nos idéaux, nos valeurs et surtout d'un système qu'on aimerait renverser et qui est malheureusement bien trop ancré. On peut parler autant de philosophie, d'art que d'enjeux sociétaux, concrets et actuels. Alors on s'est dit qu'on pourrait en parler avec vous, à travers un blog, des podcasts, des articles écrits, des vidéos, interroger des gens comme vous et moi, nos amis, nos familles, je sais pas, tout le monde. Parler de l'essentiel pour nous. En clair, ne plus se cacher et ne plus se taire. Allez, c'est parti. Je m'appelle Dounia et aujourd'hui je fais mon tout premier podcast pour Emmy Vintage. Alors je voulais parler de surconsommation dans la mode, car évidemment c'est ce qui a poussé Norman à lancer sa friperie en ligne, Emmy Vintage. Quoi de plus évident pour moi que d'interroger mon ami Gaëtan? Alors je le connais et je l'ai vu évoluer depuis le lycée. Et c'est le genre de mec, bon voilà, super populaire, sociable, qui est là, qu'on voit. Et il faisait tout le temps du shopping, mais vraiment tout le temps, à Zara, H&M, à Mango, tout ce que vous voulez. Son placard débordait de vêtements, c'était même abusé, il y avait même l'étiquette sur des vêtements neufs jamais portés. Non, non, c'était vraiment trop. Et aujourd'hui, je le retrouve chez lui. On sort du travail, il est 20h30, et on va parler ensemble de son évolution, d'une surconsommation à une consommation plus réfléchie, et de sa réflexion sur son personnage social et son moi intérieur. Quand tu vas montrer le vrai toi, malgré tous ces artifices-là, tu ne seras jamais vraiment accepté. Et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil de ma vie, bah, au final, qu'est-ce qui m'apporte? Parce que moi, je suis le premier malheureux des mauvaises répercussions que ce comportement a eues. Du coup, merci Gaëtan d'avoir voulu faire ce podcast avec moi et bienvenue à toi. Merci à toi, Dounia, de m'accueillir sur ton podcast et de m'interroger. Moi, ça me fait plaisir, c'est flatteur. Alors Gaëtan, si tu veux bien, on va d'abord remonter à cette période de ta vie où tu étais dans une consommation de vêtements excessive. On peut même parler de surconsommation pour le coup. Donc on va essayer de comprendre ce que ces achats, ces sessions shopping signifiaient pour toi et réfléchir dessus, donc avec le recul 5 ans après. Alors la surconsommation, c'est le terme qui désigne une consommation située au-dessus de celui des besoins normaux. Donc on est d'accord, Gaëtan, que tu n'achetais pas forcément des vêtements pour un besoin de te vêtir. Donc, mais pourquoi t'achetais autant alors? Honnêtement, Oui, honnêtement. pour plaire. Après, je pense que n'importe qui peut me comprendre à 18, 20 ans, tu commences à avoir de l'argent, Oui. donc forcément Parce et que tu quand commences à t'aimes, tu travailler. commences à travailler, et quand t'aimes la mode, t'aimes la beauté, t'aimes tout ce qu'on te véhicule un peu dans les médias, tu vas en faire un petit peu plus. Après, toi, Dunia, tu me connais, je suis une personne très, tu sais, tout fait plus, tu sais, Oui. genre, tout fait plus. Et quand tu viens d'un milieu social pas forcément privilégié, et que tu traînes ton entourage, c'est des personnes qui sont assez privilégiées entre guillemets, Oui. il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses plus, il faut que, même si eux ne vont pas changer de vêtements tous les jours, toi, il faut que tu changes de vêtements tous les jours. Il faut que tu paraisses comme une personne qui ne vient pas de. Je pense que ça vient d'un, à cette époque-là, oui, surtout, ça Oui, vient d'un complexe. Un un complexe complexe. de identitaire, majoritairement de ma classe sociale aussi, surtout à ce Oui. moment-là. Donc du coup, tu te dis, bon, il faut que je paraisse beau, il faut que j'articule bien, il faut que j'ai cette tenure, tu sais, Oui. qui fait que devant mes amis privilégiés, tu sais, Donc c'était par je saurais pression. tenir la route. Par pression sociale. Par pression Pression sociale, sociale. oui. Et du coup, tu disais quelque chose de très intéressant aussi, que c'était par rapport aux médias, que les médias en fait te véhiculaient. Donc est-ce que tu avais l'impression à ce moment-là que tu étais un peu une fashion victime ou pas du tout? Est-ce que ça, c'est des choses que tu Alors, réfléchis maintenant? Ou genre quand tu achetais à ce moment-là, tu faisais ton shopping, tu disais, bon, j'achète parce que je reçois beaucoup de pubs, ou je vois des séries où les gens achètent beaucoup, donc moi aussi bien j'ai envie de sûr, consommer. oui, bien sûr que ça joue. Tu regardes des séries où le fashion est beaucoup mis en avant, où les gens sont tous beaux, forcément ça joue. Après, le terme fashion victime, encore aujourd'hui, je Oui. trouve pas ça péjoratif. Je trouve pas ça péjoratif. Dans Encore quel plus sens? à l'époque, je trouve ça Oui. plutôt flatteur. T'es une fashion victim, t'es une personne qui adore suivre les tendances, qui fait attention à toi, quoi. Et non, ça a jamais, je ne considère pas ça comme péjoratif. Alors, avec le recul, je me dis, bon, oui, bon, ok, tout a des limites, tu vois. Mais à l'époque, non, c'était vraiment, je prenais ça comme vraiment comme Une image une positive. image positive, oui, voilà. C'était une image qu'il fallait entretenir, qu'il Entretenir. fallait entretenir, ouais. Alors moi, je me souviens justement, bah, je pense que cette époque, on parle surtout du lycée, quand on était au lycée. Et en fait, je me souviens qu'on était un peu pris bah, dans une frénésie consommatrice. En fait, j'avais l'impression que c'était bah, valorisé socialement d'avoir toujours des nouveaux vêtements à la mode, et même les soldes. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au lycée, c'était un peu l'événement. Est-ce que tu as fait des soldes? Tu vas acheter quoi? Tu as acheté quoi? On attendait ça comme si c'était, enfin, je sais J'arrivais pas. en retard à chaque fois qu'il y avait les soldes, je savais que j'allais arriver en retard de 1 heure et rater le premier cours juste pour pouvoir aller faire les soldes. Et ce qui m'excitait le plus, c'était même pas d'aller acheter des vêtements, c'était le fait d'arriver Avec ta nouvelle et qu'on me tenue? demande t'as acheté quoi, t'as acheté quoi. Et il y avait des moments où on n'avait même pas à me le dire parce que les gens étaient habitués et Oui. c'était vexant. Personne n'a remarqué que le soleil pas se Mais du coup, vide. c'était vraiment pour l'image de ce que les gens avaient de toi, C'était non? surtout pour le match. Après, je redis encore encore aujourd'hui, j'aime ça, j'aime mes Oui. vêtements, j'aime m'habiller, j'aime Non, ci, mais tout bien ça. sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment pour. J'adorais que j'entendais Ah Gaëtan, on dirait un riche, oh Gaëtan, on dirait Bah oui, bah machin, bah oh bah Gaëtan, on dirait bah. un mannequin, oh Gaëtan, j'adore ça. Et c'est vraiment surtout ça, oui, tout à Et fait. du coup, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a vraiment poussé en fait à toujours acheter encore plus? Parce que je me rappelle quand même que quand j'allais chez toi, dans tes placards, il y avait quand même des vêtements qui étaient encore neufs et l'étiquette, elle n'était même pas encore enlevée. T'achetais vraiment énormément, Oui tout et le non. temps. Oui et non. Alors oui, forcément, parce que tu trouves ça positif, on te met un peu sur un piédestal, entre guillemets, parce que tout le monde pense que c'est plutôt cool à ce Ouais. moment-là. Donc oui, mais d'un côté, non. Parce que bah, toi, tu me connais personnellement, Ouais, mais du coup, pour mais ceux qui nous écoutent. dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours plus. Mes émotions, c'est toujours plus. Tout est toujours plus. Alors non, en fait, c'est juste que j'écoutais toujours mes émotions. Et D'accord. quand j'étais triste, quand j'étais joyeux, quand j'étais énervé, donc, à peu près tous les jours, mais tu ressens toujours ces émotions au quotidien, Oui, bien sûr. et ben j'allais acheter. J'allais Du coup, tu acheter compensais en et fait du par coup, je l'achat. compensais et je pense que tout le monde peut comprendre aussi un petit peu, Oui. mais j'ai toujours ressenti ce vide, je le ressens encore aujourd'hui, hein, mais j'ai toujours ressenti ce vide incroyable et surtout à cette époque, c'était en achetant des vêtements toutes les 5 secondes qui me faisaient combler un vide sur le moment. Sur le moment. Sur le moment, qui me faisait combler je comblais ce vide-là, j'avais l'impression. Mais ça, c'est super intéressant parce que, en fait, moi, je lisais un article il n'y a pas très longtemps, justement, qui expliquait, en fait, que, bah, en fait, des fois, on était dans une consommation qui était pour compenser. Mais tu vois, comme les gens qui mangent beaucoup pour consommer, enfin, pour compenser un vide affectif, et comme si c'était, en fait, ouais, comme une sorte de drogue. En fait, on n'est C'était pas bien dans ça. notre vie, donc on va prendre de la drogue. On n'est pas bien dans notre Et vie, ben, donc on va acheter beaucoup, manger j'avais beaucoup. vraiment l'impression d'être sous une prise de drogue. J'avais l'impression que si je ne dépensais pas mon argent à Zara ou à H&M ou à Ouais. Bershka, qui étaient mes magasins de prédilection à l'époque, tu vois, et ben, je me sentais mal. Je me sentais mal. Tant que mon compte était positif, j'allais dépenser. Et du coup, donc à ce moment-là, est-ce que, donc j'imagine que, enfin, je sais pas, mais est-ce que à ce moment-là, tu avais conscience qu'en fait, cette industrie de la mode. Donc, comme tu viens de citer toutes ces marques de fast fashion, est-ce que tu avais conscience en fait des stratégies marketing qu'il y avait derrière, de cette image justement qu'ils voulaient nous véhiculer, qu'on allait se sentir mieux en achetant mieux, qu'on allait être valorisé socialement en achetant leurs vêtements? Oui, je trouvais ça malsain. Tu trouvais ça malsain Je déjà? Tu trouvais en ça avais déjà déjà malsain. J'avais déjà conscience? conscience que je trouvais ça déjà malsain. Ouais. Surtout quand tu connaissais après comment les conditions dans lesquelles ces vêtements-là étaient fabriqués. Oui. Mais j'étais tellement dans ma bulle un peu où dans tous les cas je m'en fiche. Moi, ça me touche pas. J'achète le Ouais, truc c'est et loin je parais quoi. beau. C'est loin. Voilà, c'est loin de moi. C'est pas dans ma zone de confort. Ça ne me concerne pas. Alors oui, j'en avais conscience, mais Parce que moi, je me non. souviens qu'en étant en seconde, bon, on a fait les mêmes cours, hein, parce que du coup, on était dans le même lycée, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je me rappelle qu'en cours, on apprenait déjà, je crois que c'était en cours de géographie, on apprenait en fait les effets un peu négatifs de la mondialisation, qu'il y avait des enfants qui étaient obligés de travailler pour faire des baskets. Voilà, pour des marques qui en fait mettent peut-être 30% dans la main-d'œuvre et la matière première et 70% dans le marketing et la publicité. Et on apprenait déjà ça. Et c'est vrai que moi, à cette époque, je ne sais pas comment expliquer, on apprenait ça, on savait que ça existait, mais on n'avait pas le déclic d'arrêter d'acheter Non, là-bas ou on continuait quand on même en continue quand même. fait. Et je pense que ça vient. Après, il y en a directement, je me souviens, il y en a directement à 18 ans, ils savent que non, tu vois, que non, ils ne veulent pas entrer dans ce cercle-là. Je pense que ça vient avec la maturité aussi. Tout ça, Avec la ça vient avec la maturité. maturité, ça vient avec, avec l'âge. Certains, ça va être 2-3 ans plus tard, d'autres, ça va être 20 ans plus tard. Et juste que tu arrives à ce moment où tu te dis, non, le monde ne tourne pas autour de moi et que moi, je fais partie des privilégiés parce que j'ai la chance de ne pas me poser ces questions-là, tu vois. Oui. Mais qu'il y en a, non, c'est pas possible. Et si tu as un minimum. Pour revenir encore, parce que tout ça, peut-être que je me répète, mais tout ça est lié encore une fois à mes émotions. Oui. Et en tant que personne avec très émotive, avec beaucoup de sensibilité, j'ai énormément d'empathie. Et plus les années passaient, plus je me documentais moi-même, plus je regardais beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui se passait ici. Et plus je me mets vraiment à la place de ces personnes-là qu'on exploite. Et plus tu te dis, mais non, c'est totalement hypocrite en fait. Oui, en fait, Et tu ne peux j'arrête quoi. pas. Oui, en fait, Ouais. j'arrête. Ou je diminue. Et un jour, si j'arrête, ben j'arrête. Tu vois, et ce Oui. sera pas le même Ah oui, de toute monde. façon, c'est pas. Oui. Enfin, pour l'instant, on n'a pas totalement arrêté. On On n'est n'a pas pas des totalement personnes arrêté, non, je ne suis pas totalement arrêté, parfaites. je ne suis pas parfait, loin de Oui. là, tu vois. Mais on a pris conscience Mais des on a choses, on pris va dire. conscience, Ouais. et à partir de ce moment-là, bah, c'est toi qui, comme toi, tu as conscience du truc, tu sais que c'est toi, hein, tu as le choix, quoi. Soit tu as un complice, soit tu joues là. Donc justement, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu penses que ça vient aussi d'une certaine forme d'immaturité, ou que tu voulais pas sortir de ta zone de confort, tu étais dans ta bulle, tu pensais qu'à toi, entre guillemets. On parlait beaucoup, toi et moi, il y a à peu près un an, de la différence entre notre moi social, un peu le personnage qu'on joue en société, et notre moi intérieur. Et je me rappelle, bah, c'était à peu près l'été dernier, que tu avais fait une grande remise en question. Et quel a été un peu le déclic, en fait, pour commencer cette réflexion sur toi? Parce que bah, c'est pas anodin, en fait, de prendre un temps pour soi, de se poser, d'essayer de réfléchir et sortir un peu de cette immaturité-là. Alors déjà, toute cette révolution intérieure, elle vient pas toute seule. C'est des choses que tu sais déjà, quand tu as 18, 19 ans, tu le sais déjà, mais tu Tu sais, refoules? tu le refoules un petit peu, c'est oh là là, c'est le problème existentiel qu'on a tous à cet âge-là, c'est normal, tout ça, machin. Mais puis un jour, tu te rends compte que, qu'importe tous les vêtements que tu vas acheter, qu'importe, pour revenir au personnage qu'on a pu jouer, tout ça, qu'importe, à quel point tu vas faire rire les autres parce que tu es, l'animation de la soirée, entre guillemets, qu'importe à quel point tu vas faire du mal aux autres, hein, parce que j'y ai fait beaucoup de mal aussi, et tu te rends compte que même si tu fais les efforts pour voilà, et ben, au final, et ben, tu seras jamais vraiment. Quand tu vas montrer le vrai toi, malgré tous ces artifices-là, tu seras jamais vraiment accepté. Et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil de ma vie, bah, au final, enfin, qu'est-ce qui m'apporte? Parce que moi, je suis le premier malheureux des mauvaises répercussions que ce comportement a eu. Et en plus, tu fais du mal aux autres aussi, puis tu te rends compte que t'es pas forcément compris non plus, et puis Du tu coup, te. t'étais pas vraiment épanoui, en Non, en fait. fait, non. Voilà, tu vis dans une illusion. C'est très exagéré, hein. C'est vraiment très Oui. exagéré, mais tu vis un peu dans cette prison dorée, entre guillemets, tu Ok, sais, où ouais. tout est beau, machin, t'as réussi à faire en sorte que tout soit parfait tel que tu voulais qu'on le voie, sur les réseaux, tout ça, machin. Sur les réseaux sociaux, donc Donc Instagram, Instagram, ouais. Snapchat à l'époque, c'est vraiment. Et quand t'arrives le soir chez toi, tout seul, tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi en fait? Et t'es juste malheureux en fait, et tu te dis, mais non en fait, et que acheter tel ou tel vêtement dont j'avais besoin ne m'a jamais rendu plus heureux, être en soirée avec un tel ou un tel quand je pouvais être seul ne m'a jamais rendu plus heureux non plus, Oui. bah, c'est toutes ces choses-là. Alors c'est très très intéressant là ce que tu viens de dire parce que moi justement j'ai fait un peu des recherches sur notre manière de consommer, sur un peu les réflexions existentielles autour de ça. Et en fait j'ai découvert donc Gilles Lipovetsky, donc qui est philosophe et professeur à l'université de Stendhal. J'ai lu un article sur lui que je mettrai plus tard en référence parce que du coup je vais un peu le citer de temps en temps. Donc en fait lui il a une réflexion sur l'influence de la consommation sur l'individu et la société, qui rejoint un peu les pensées aussi de Pierre Bourdieu dès 1980, qui ont commencé à théoriser ça. Et en fait, cet article parle de la dimension existentielle de la consommation. Et je crois qu'avec toi, Gaëtan, on touche un peu ce sujet-là, de tout ce que tu viens de dire. Et alors, j'explique rapidement l'idée qu'on comprenne bien. Donc, en fait, le concept d'hyperconsommation, c'est l'idée que la logique consumériste n'est plus présente que dans les actes de la vie du consommateur. En fait, c'est tout le modèle consumériste qui est devenu le modèle dominant de la vie en société. Et donc, en fait, pour lui, on peut le voir avec les principes de libre arbitre, de changement, de calcul d'intérêt, de self-service, qui ont pris le dessus sur d'autres formes de comportement de l'homme en société. Et il parle beaucoup d'exemples de l'acte politique, du couple et de la famille, où on constate en fait que les êtres humains sont moins pris dans une logique d'engagement, mais dans le fait de zapper, de changer constamment, et en fait qui sont des caractéristiques propres aux consommateurs. Et donc, en fait, je voulais savoir si tu vois un peu ce qu'il veut dire, si ça te parle un peu, parce que moi, j'ai personnellement, ça m'a fait penser à Tinder, le fait de zapper de mec en mec, de un peu le fast-food de l'amour, tu vois, même le ghosting, le fait qu'on n'a aucun engagement. Enfin, on peut juste, voilà, on parle à quelqu'un, on disparaît du jour au lendemain, on n'a aucun compte à lui rendre. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui, en fait, bah, c'est comme quand on consomme dans un magasin. On veut du rouge, en fait, bah, finalement, non, on va prendre ce pantalon noir, et puis non, bah, en fait, c'est du pont de cuir est mieux, et on change d'avis tout le temps, et en fait, enfin, c'est super cool, on n'a pas de compte à rendre à personne, et on est très heureux comme ça. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et donc, comment tu comprends, toi, cette idée par rapport à tout ce que tu viens de me dire, en fait, de ce sentiment un peu où tu n'étais pas épanoui? Parce qu'en fait, tu nous parles de ces conséquences de la consommation narcissique, donc la consommation narcissique qui vise, pardon, à satisfaire l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, tu vois, c'est ce que tu disais avec la pression Avec la sociale, pression etc. sociale, L'image que tu as voulu construire, ton ouais. identité, enfin, ton personnage social. Donc, voilà, il nous parle que les conséquences de ça, en fait, ça peut entraîner un malaise diffus et envahissant, un sentiment de vide intérieur et d'absurdité de la vie, une incapacité à sentir les choses et les êtres. J'ai trouvé ça super puissant. Là, j'ai Ouais, cité c'est vrai vraiment que c'est puissant, ouais. l'article. Ouais. Et donc, voilà, j'aimerais savoir si ça te parle et si toi, tu ressentais vraiment ce malaise à la fin de cette période, on va dire, de consommation et de vie sociale excessive, tu vois, quand tu as fait un peu ton repli sur toi et ta remise en question. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus en accord avec qui t'es, en fait? Qui t'es vraiment au fond de toi, ton essence? Pas encore tout à fait. Pas encore tout à Pas fait. encore tout à fait. J'ai encore. Bon, en fait, déjà, j'aimerais préciser que parce que, enfin, je sais pas, parce que j'ai pris du recul, machin, Oui. machin, que je suis parfait, que j'ai réponse à Ah non, tout. bien sûr. Vraiment, C'est non. toujours Je un suis long encore très cheminement. imparfait. C'est un long cheminement. Vraiment, je sais qu'il y en a, ils prennent toute leur vie pour arriver vraiment au bonheur avec soi-même. Et Oui, non, parce que du c'est ça coup, le but au c'est ça final. le but C'est le aussi. bonheur. C'est le bonheur. Et c'est Voilà. ce qu'on pense à atteindre en Et ce qu'on pense consommant. atteindre, et voilà, exactement. Et c'est ce qu'on pense atteindre en fait en consommant. Tu sais, moi, je rentrais dans un magasin. J'avais pas Oui. forcément d'idée en tête. Hein. J'avais pas d'idée Oui. en tête. J'avais pas besoin d'un t-shirt blanc, d'un slim noir. Non, tu vois. Je rentrais juste pour pouvoir combler ça, en fait, tu sais. Et une fois que c'était payé et que je rentrais avec mes sacs à la maison, le fameux sac qui a fait 2 semaines sans être ouvert, tu Sans enlever vois, et sans l'étiquette, sans enlever rien du tout. l'étiquette, et ben, je me sentais triste. Je Ouais. me sentais triste parce que ce que j'essayais de dissiper, et ben, c'est encore plus fort. Alors que pendant le moment où je choisis mes vêtements et où je vais Oublie. payer, je suis exalté. Ouais, C'est vraiment ouais. limite comme si tu avais fumé 2-3 joints. Non. Un joint et que t'es en mode ah tout est beau, tout est rose, t'es Ouais, excité, ouais, ouais. voilà. Puis après, Mais c'est un une fois que t'arrives à la redessin. maison et que t'as montré aux gens ce que t'as acheté, machin, et que les gens ont vu ah waouh, Gaëtan a trop de style, il achète tout le temps, on dirait qu'il a les moyens, alors que je finis avec zéro sur mon compte le 20 du mois, je tiens à Ouais. préciser aussi. Non, et t'es extrêmement malheureux, tu te dis non, enfin c'est ça ma vie en fait. Et je rejoins du coup L'idée de juste vivre au Betski. l'absurdité en fait. Et Ouais. toi-même, tu te vois en fait, tu te dis mais Gaëtan, mais t'es sérieux? Et j'entendais les commentaires, mais attends, mais t'as besoin de ça, mais t'es sérieux, mais nanana, mais t'es ridicule, machin. Et pour moi, c'était de la jalousie. C'était Ouais, juste de l'envie, de de la l'envie, parce que jalousie. moi, j'ai tout à rendre à personne, je ne peux pas le loyer, je peux faire tous les vêtements que je veux, tu vois. Mais non, en fait, je pense juste que ces gens-là, ils avaient cerné ce qui, moi, il m'a fallu plusieurs années à cerner, en fait, au final. Et donc, bon, au final, bien sûr, c'est un long cheminement, Oui. etc. Et bien sûr que tu vas évoluer encore dans ta vie, tu vas faire d'autres remises en question, ce qui est normal. Et en fait, c'est même très courageux, hein, parce que c'est important, en fait, ces moments-là où on essaie un peu de se regarder, de se dire, bon, bah, là, ça va pas, là, je suis pas en train d'atteindre mon but Bah, c'est une de forme bonheur. d'intelligence, Ou... je Ouais, trouve. c'est ça. Et je trouve ça triste qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie et qui meurent sans se poser ces questions-là. Je trouve ça dommage. Et du coup, moi, je voulais savoir, parce que du coup, moi, je te connais et je sais que tu écris beaucoup. Et je soupçonne quand même que ça a eu que ça a été un moyen pour toi, en fait, de comprendre des choses. Non, oui, l'écriture, c'est toute ma vie. Enfin, voilà. J'ai toujours aimé. Bah, les séries, justement, ces séries-là qui m'ont poussé à aller dans les magasins, qui ont joué, parce que c'était la mauvaise foi de mettre tout sur elles, 90-210. 90-210, Gossip Girl, bah, pour revenir un peu aux questions d'avant, Ouais. tu vois, c'est con, hein, mais ce principe de vivre dans une grande ville, tu sais, avec plein de sacs à la main de magasins et d'avoir son smoothie et marcher vite dans la rue, j'adorais Truc ça. Starbucks Tu sais, là, voilà, le ouais, de truc ouf! Starbucks, parce que moi, c'était ça, Mais c'est tellement l'image de la En fait, réussite, c'était ça. l'image de la réussite, tu sais, et qui a été véhiculée par cette super série américaine, en fait, tu vois, où tu marches dans la rue avec plein de sacs, et t'as ton petit Starbucks et tout ça, et tu marches, t'es pressé, tu fumes ta clope. Ça vient de ça. Alors, après, par rapport à l'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit, vraiment, même quand j'étais plus jeune, j'écrivais des petits poèmes, des petits trucs comme ça, en primaire, au collège. Quand j'ai vraiment commencé à écrire, donc en 2014, 2015, j'ai pas commencé avec des petites chansonnettes, j'ai commencé avec de la fiction. Oui. Tu sais quoi, je peux le dire, je voulais Vas-y. écrire ma série télé qui allait relater ma bande d'amis. Sauf que, tu sais, je dramatisais tout ça, on était tous riches, tous beaux, tous blancs, tous, tu vois, enfin, je voulais vraiment créer un monde où c'était plus facile pour nous d'être nous, en fait. Et puis quand j'ai eu mon déclic par rapport à moi-même, par rapport à la personne que j'étais vraiment, et Donc ça, puis tout ça, c'était à c'était peu des près il y a un artifices, an, c'est ça? après il y a un Ouais. an, et ben j'ai abandonné ce, j'ai pas abandonné, mais je l'ai vachement mis de côté ce projet-là, en fait, parce Cette que je me suis série. rendu, oui, cette série, que je me suis rendu compte que ça ne me reflétait pas et que je prenais plus de plaisir à Du coup, l'écrire tu non avais plus. changé, en fait, Oui, tu c'est que avais j'avais changé, en évolué. fait. Après, j'aime finir ce que j'ai commencé, donc je continue Oui. quand même à ce truc. Mais oui, enfin après, c'est les gens pourraient, en me rencontrant, les gens pourraient penser que ah non, mais Gaëtan, c'est grave facile, il est super amical, ça y Il est est, on sociable, est il est sociable, ouvert. machin, il est vrai, tout ça, il est spontané. Mais non, c'est vraiment que dans mes mots, en fait. C'est vraiment que dans mes mots et surtout à travers mes chansons, parce que maintenant j'écris surtout des chansons, que vraiment tu vas retrouver le vrai moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à montrer aussi À ces les faire mots-là, tu lire, vois, parce que c'est ouais. montrer une partie de moi que très peu de personnes connaissent, Et par je tiens à exemple. dire que c'est tellement dommage parce que c'est tellement. Enfin, moi, j'ai pour avoir lu certains de tes textes et de tes chansons, c'est très très puissant, hein, la charge sentimentale, la manière dont tu décris les émotions, je sais pas, dont on fait des histoires, des images, Bah c'est. ça, c'est parce que Moi, j'adore lire ça. j'ai toujours eu du mal à les exprimer, mes émotions. Parce que même si je suis très sensible, tu sais, Ressens beaucoup les Julien, choses. voilà, je ressens beaucoup les choses et j'ai toujours eu du mal à mettre des mots sur mes émotions et personne ne les comprenait vraiment. Mais avec les mots, et pour les personnes qui ont pu lire, effectivement, et ben du coup, j'ai l'impression que c'est plus fluide, que c'est qu'en écrivant, en fait, Peut-être parce que si tu as un temps où justement tu peux montrer tes émotions sans qu'on te coupe et tu peux sans qu'on vraiment me coupe ouais, tu et peux où je vraiment peux vraiment les ne faire pas être dans vivre. l'artifice, en fait, c'est ça, oui, je peux Ouais. vraiment les faire vivre. Oui, voilà. Alors après, je vais parler de ma série que j'ai écrite sur nous à l'époque, tout ça. Plus j'écrivais, et honnêtement, plus je m'éloignais des personnages que j'avais à la base. Plus je m'éloignais et plus je me rendais compte que, oh putain, je suis en train de mettre du moi là en fait. Et qu'en fait, tous les Ouais. personnages, ce n'est pas mes amis, mais en fait, tous ces personnages sont C'est partie une de partie de moi, en toi, fait, tu ouais. vois. Ça, c'est Et fou, hein. c'est ça qui est magique en fait, c'est que tu Ouais. dis, ah oui, waouh, mais en fait, ça, c'est ce que je pourrais dire moi dans cette situation-là, et pas Dounia, et pas un tel, et pas un tel, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, j'essaye un peu de le transformer. En fait, après, c'est le but d'une série. Dans une série, tous les personnages évoluent. Personne Oui. n'est pareil que dans le premier épisode, dans le dernier, tu vois. Ça pourrait être justement le Et récit de notre donc, justement, c'est évolution. pour ça que je veux continuer parce que ça montre une évolution, en fait. Mais c'est super bien. Et depuis que j'ai l'écriture et que je le fais régulièrement, par exemple, et ben, tu vois, j'ai moins besoin des vêtements. J'ai moins besoin de me sentir comblé avec acheter C'est fou que tu dises vêtements. ça. C'est C'est comme si tu vraiment. avais vraiment du coup pu combler ce vide avec J'ai pu l'écriture, en combler ce vide fait. avec l'écriture. Et l'écriture, en plus, c'est gratuit et ça me rend pas. Voilà, quoi. Non mais c'est Voilà. génial. C'est génial. Non mais Je me c'est suis un ça peu en fait. étalé sur le sujet, mais c'est parce que je Non mais respire c'est génial. C'est beaucoup. ça. C'est en fait on a besoin de plus que. En fait on a besoin de consommer. Bien sûr que ça nous rend heureux de consommer des choses. On va jamais arrêter de le faire. On est dans Oui. cette société-là. On a grandi comme ça. Enfin je sais pas. Ça nous rend heureux le confort matériel, le désir d'avoir quelque chose, de juste la légèreté. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir des passions. Bah, du coup, pour ceux qui sont créatifs, de créer, toi t'écris, il y en a qui, je sais pas, font autre chose, du rap, du sport, on a besoin de se On a besoin réaliser de se réaliser, ouais. autrement que par la consommation et par le regard des autres aussi, Et je trouve quoi. que l'art, à travers le sport ou la chanson ou le rap ou ce que tu veux, eh ben, c'est vraiment le meilleur moyen de sublimation Ouais. quand tu t'es en perdition identitaire, on va dire. Ah, j'exagère. Moi, je respecte plus les personnes qui en ont conscience et qui vont faire quelque chose avec et qui vont Ouais. trouver une sublimation. Même à travers, tu vois, je ne suis pas fan de sport, par exemple. Oui. Mais genre, à travers le sport, je vais respecter ça plus qu'une personne qui va rester. Oui, bah écoute, je suis comme ça, et je vais au bureau demain et je recommence tous les Oui. jours jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Alors, donc, dans ton travail d'écriture, notamment par ta série, tu as senti une évolution, un déclic par rapport à toi-même. C'est ce qui t'a permis d'évoluer dans l'écriture de ta série. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi ce déclic dans ton rapport avec toi-même, notamment par rapport à ton identité? Ah oui, vraiment beaucoup. Déjà, bah, grâce à l'écriture, beaucoup grâce à l'écriture, j'ai plus besoin de jouer ce personnage. J'ai trouvé la parfaite sublimation avec ce que j'écris. Et après, en dehors de ça, il y a aussi le fait d'être bah, d'être entouré de personnes beaucoup plus colorées, LGBT, qui souvent, eux, me poussent à fond dans tu sais, l'aboutissement de moi-même, le fait que je sois heureux avec moi-même. Et même moi, j'ai même compris que je pouvais faire aussi preuve de stéréotypes, que je pouvais véhiculer des stéréotypes en étant moi-même gay et noir, tu vois. Et que je peux changer personne, que je peux changer personne, que le vrai changement commence avec soi-même, par soi-même. Du coup, maintenant, est-ce que tu dirais que tu te sens plus en phase, en tout cas, Ah oui, avec bien qui sûr. t'es? Ah Ouais. oui, bien sûr, oui. Dès que je peux dire à quelqu'un que je suis noir, ça se voit. Hein. Dès que je peux dire à quelqu'un que je suis noir, que je suis gay, Ouais. voilà, oui, je le Tu dis. t'acceptes, quoi. Avant, je rigolais aux blagues racistes, aux blagues sexistes. Et j'ai été le premier à en souffrir, du coup, de tout ça, de ce personnage-là. Et du coup, j'ai voulu le détruire parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Aujourd'hui, je m'assume clairement directement quand j'arrive dans un nouvel endroit. S'il y a des blagues, je vais être le premier à les réprimander. Je me suis juste perdu dedans, j'étais juste personne, tout le monde s'en foutait, c'est moi qui souffrais de ça, c'est moi qui étais enfui dans ce mauvais cercle. Et du coup, maintenant que tu t'acceptes un peu plus, que bah, j'ai l'impression que tu as plus confiance en toi aussi et que tu arrives à t'affirmer, que tu as arrêté de jouer un personnage, que tu n'es plus dans la démonstration, tu n'es plus là pour essayer de ressembler à ce que tu n'es pas, mais tu essaies de, bah, de te ressembler à peu près plus à toi, on va dire. Donc, est-ce que tu as l'impression que même dans ta manière de consommer, donc tu m'as dit hein, que tu achetais plus autant, plus excessivement et plus dans les mêmes endroits? Donc maintenant, en tout cas, comment tu consommes? Parce que je sais que tu aimes toujours la mode, tu aimes toujours les vêtements. Où tu vas? Alors, Quel est ton rapport à ça? déjà, j'ai tellement de vêtements que... Ah bah je suis raisonné, tu vois, maintenant, c'est que j'ai pas Ouais. besoin d'en racheter quand je me sens... voilà, j'ai tellement Ouais. de vêtements que non, c'est plus dans les vêtements que je vais T'en mettre as tout ça, assez, j'en quoi. ai Ouais. assez, vraiment. Après, bon, jugez-moi pas, mais je ne les donne pas. J'ai du mal à donner mes vêtements parce que chaque pièce, pour moi, va T'es revenir à... attaché? Voilà, déjà, il y a une attache, et même chaque pièce, je me dis qu'à un jour, dans 2 ans, j'aurai envie de le remettre parce que j'aurai une idée avec tel pantalon, tel Mais machin, c'est ça, en fait, vraiment. maintenant, t'es plus dans... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, tu crées plus ton Oui, style. je crée plus mon style Ouais. et j'ai moins ce style imposé par les C'est magazines, ça. par machin. C'est vraiment genre, si j'ai envie de mettre une salopette avec des Santiago, je vais le faire, tu vois. Alors que avant, j'étais là, mais what the fuck, tu vois, si Zara n'a pas mis ce modèle, non, Oui. je le ferai pas, tu Et du vois. coup, est-ce que tu penses que c'est parce que t'achètes plus dans ces magasins-là? Parce que Parce tu que j'achète. t'achètes tout maintenant. Bah, franchement, je privilégie. Ouais, les fripes. Parce qu'il y a aussi le côté où maintenant toute la mode des années 80, Ouais. 90 revient beaucoup, tout ça. Et même, bon, je trouve qu'ils l'ont fait très tardivement, mais tous les magasins un peu de fast fashion là, ils commencent aussi à faire Oui. des pantalons pas d'elfe, tout Oui, ça, et c'est revenir à vrai. un style. Et du coup, moi j'étais très attiré par ça. J'étais très attiré par ça. Et à un moment où il n'y avait pas encore les fast fashion qui faisaient ces trucs-là, Ouais. et du coup, c'est dans les friperies que tu trouvais ça, tu sais. Donc, du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là, en fait, que je me disais, putain, mais je suis en train d'acheter, tu vois, des trucs pour rien du tout, tu vois. Et pas Puis en cher. plus, il y a une vie dans le vêtement, tu vois. Il y C'est a pas une comme vie, si ça ouais. m'était fait par un pauvre gamin qui est au Proche-Orient et qui est en train de mourir pour 1 franc pour un vêtement fait, tu vois. Ouais. Genre. Là, tu vois, c'est des vêtements qui ont une vie, ça va être perpétué, tu vois. Et puis, je trouvais juste mon style aussi plus facilement, tu sais. Et puis, je pouvais vraiment. Tu sais, j'avais arrêté d'être le moi, pas fermé, parce que j'avais été fermé, tu sais. Mais c'était vraiment. Bah, je m'en fous, en fait, tu vois. Maintenant, c'est vraiment. Tu laisses parler mon Je laisse style, parler mon quoi. style, tu vois. Ouais. Et Au fil de trouvailles, au au fil fil de trouvailles, des... au fil de. Parce que je peux très bien entrer, par contre. À l'inverse, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand j'allais dans les Bershka chez Mzara, c'est que j'avais forcément acheté un truc, deux, trois tenues, machin, Ouais. machin. Je peux entrer à Emmaüs dans une friperie, je vais juste fouiller, fouiller, machin, machin, trouver l'inspiration et je vais pas forcément acheter quelque chose. Alors, je vais acheter une C'est ceinture ou génial un ça. foulard, tu Ça te sais. pousse à avoir une Mais consommation plus réfléchie en en fait, voilà, c'est juste fait. plus réfléchi. Même si les prix sont beaucoup moins chers, et ben non, ça va pas me pousser Oui. Ouais, c'est à ça, être en acheter. frénésie et acheter bêtement, en fait, tu vois, Ouais. les trucs qui vont pourrir dans mon placard au final. Puis même, juste l'expérience du shopping en soi, c'est plus intéressant De chiner. de chiner Ouais. plutôt que d'être à Zara avec les poussettes et les gosses qui crient et les cabines et machin et voilà Après, et Emmaüs, c'est aussi voilà les gosses après qui Emmaüs crient. et oui mais Hein. c'est pas Mais je vois ce que c'est tu pas veux la dire. même tu Pas la vois ce même que je veux dire ambiance. et puis même quand je vais à Emmaüs tu vois oui je vais regarder les vêtements je passe 1 heure aux vêtements mais puis après je vais regarder aussi les lampes les Les livres. livres Mais du coup, parce que les grands magasins, ils te vendent aussi une image de oui. marque. Mais là, du coup, ce serait quoi l'ambiance que, par exemple, le jour où on était à Marseille et que tu avais chiné ta veste Dolce Gabbana Que je porte que tu actuellement. portes Oui. et que tu étais trop heureux de trouver. Genre, bah là, justement, c'était quoi l'ambiance que tu as ressentie? Genre, est-ce que c'est plus, je sais pas, comme un trésor, comme... Je sais pas comment expliquer. Oui, alors franchement, ce jour-là, honnêtement, C'était un c'était trésor, un non? trésor. C'était. T'étais Vous tellement m'avez heureux, perdu dans j'aurais mon dû un monde. Vous m'avez perdu gamin! dans mon monde. Je suis monté à l'étage, tout ça, machin. Et j'avais l'impression qu'il allait falloir 2 jours pour vraiment tout regarder. Ouais. Vraiment. Parce que même si l'article, tu vois, il va être pas forcément beau comme ça. Ouais. Et je vais m'imaginer comment je vais le porter, tout ça. Ouais. Et Donc c'est ça en fait l'ambiance dont tu ouais, parles, c'est c'est ça ça? l'ambiance. C'est Donc c'est plus que quelque chose de personnel c'est en plus fait. personnel, ouais. C'est vraiment personnel. C'est plus réfléchi. C'est plus abouti. C'est Plus artistique. plus artistique en fait. Oui. Enfin, Franchement, en j'arrive pas à trouver vrai, le mot, c'est mais c'est ça en fait. Je ça, mets les mots dans ouais. la bouche. C'est que c'est plus artistique. Et puis c'est Je plus te connais. libre. C'est vraiment beaucoup plus libre. C'est moins C'est moins genre, il y a un voilà. C'est mannequin, moins il y a genre ce machin. look-là, tu vas Voilà. essayer de le reproduire. Genre là, en fait, ce qui sort comme look, c'est ce que toi, en C'est ce que fait, t'as à moi je veux. l'intérieur. Et Ouais, c'est j'ai ça. l'impression qu'avec les friperies, et ben, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux grave jouer avec. Et j'aime beaucoup ça dans mon style maintenant, c'est jouer avec les sexes, un peu, tu Ouais. sais. Genre ce qui est attribué à une femme, moi je vais le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'adore ça, vraiment. Ouais. Après, tu peux très bien le faire avec les marques Oui. les grosses marques Il y a aussi, pas mal de bien marques en sûr. plus qui se lancent dans Mais j'ai l'impression qu'elles l'ont fait parce l'unisexe. que, tu vois, parce que c'est devenu aussi à la Oui. mode et pas Bah parce alors que, là, elles ont devenu voilà, des elles poutards, étaient c'est obligées de le sûr. faire, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je peux très bien aller tu vois, dans une friperie trouver des tamis qui sont trop beaux et là, je me dis, ah non, tu vois, je le veux, tout On n'avait ça, pas machin. acheté d'ailleurs une Oui, paire c'est de ça, scarpins j'étais noirs. prête de scarpa noire, oui. Mais tu les as jamais mis Non, dehors, je jamais mis crois. dehors, ouais. J'attends d'avoir une super occasion. Mais Ouais, une occasion, en une fait, c'est bel an. ça, c'est vraiment le fait d'être libre, vraiment, Oui. où c'est beaucoup moins. T'es beaucoup moins forcé, quoi, tu vois, t'es Ouais. beaucoup moins forcé, t'as pas des mannequins qui sont là en train De te montrer de te comment montrer tu ce que dois tu être dois acheter parce habillé. que tu vas avoir une remise dessus, parce que Ouais. machin, Ah, mais je machin, tu vois. vois, C'est oui. vraiment ça. J'ai encore des personnes autour de moi qui ils se moquent un petit peu. Les friperies? Ah oui, ah, mais t'es sérieux là, machin, c'est les vêtements d'un mec mort que tu Oh portes, là tout là. ça, machin, machin. Et par contre, après, ils voient que j'ai une jolie tenue. Mais t'as acheté où ça? Mais t'as acheté où ça? Mais t'as acheté où? Et maintenant, ils veulent tous à l'enfant. Ils veulent tous à l'enfant. Après, c'est pas plus mal au moins pour l'empreinte C'est pas plus mal écologique. pour pas décoller, c'est vrai, franchement, ouais. Franchement, parce que je sais que toi, du coup, pour le coup, c'était pas forcément en rapport avec Non, ça. c'est pas en rapport Hein. avec Je ça. À la sais, base, c'est pas en rapport je avec te ça. connais. Ah oui, c'était vraiment pour Mais c'est changer de intéressant style. d'avoir un autre point de vue aussi, tu vois. Que ce soit aussi pour le fait de créer son style, de se sentir plus libre, de faire des trouvailles, le plaisir de chiner, tu vois. Et puis au final, si ça permet aussi de réduire ton empreinte écologique, bah, en fait, c'est tant mieux. Et C'est aussi pour ton ça. budget. Et pour mon Parce que tu as budget ton aussi, budget, ouais. et puis aussi bah, pour avoir une consommation plus réfléchie. Donc forcément, tu achètes moins, tu t'achètes des choses qui ont déjà Après, existé franchement, ça avant. lie avec ce qu'on disait par rapport à ma personne. Tu sais, Ouais. c'est vraiment que maintenant je me suis trouvé, entre guillemets. Et en Ouais. fait, c'est ça, en fait. C'est que je sais ce que je veux, ce que je veux plus dans ma vie déjà de base. Alors, du coup, ça se lie aussi avec les vêtements qui ont une Mais très c'est grande fou parce que importance pour moi dans c'est comme la théorie ma vie. de Gilles Lipovetsky en Et fait. bah, du coup, Mais je j'étais suis tellement totalement sûre d'accord avec Gilles Lipovetsky. que ça allait te parler parce que quand je l'ai lu, je me suis dit. En fait, je l'ai lu hier, je crois, hier matin. Et j'avais déjà en fait cette idée de faire le podcast sur toi, de parler de cette évolution de surconsommation à du coup consommation plus réfléchie. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, c'était trop insignifiant que je tombe sur cet article et que je le lis. Je me suis dit, il a juste tout théorisé, c'est parfait, ça a donné une base pour ce podcast, c'est génial. Du coup, enfin, je suis super contente de tous les sujets qu'on a abordés ensemble. Donc, attends, je la refais. Je suis super contente des sujets qu'on a. Je suis super contente des sujets qu'on a abordés ensemble, Gaëtan. Vraiment, je suis contente que tu t'es ouvert à moi, que tu t'es livré et que tu aies parlé de ton expérience. Et j'ai une dernière question pour toi. Donc, Imi, en japonais, c'est un mot qui signifie l'essentiel. Donc, et j'aimerais savoir, quel est pour toi l'essentiel, Gaëtan? Qu'est-ce que ça t'évoque? Le fait d'être bien avec soi-même. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est quand c'est cucu, hein, parce que j'ai fait répéter que ça depuis le début, mais c'est vraiment ça en fait, le bien-être de soi en fait. Donc c'est ça C'est ça l'essentiel. l'essentiel au Mais final, c'est super. oui, vraiment. Merci à toi, Gaëtan, d'être venu parler de l'essentiel avec moi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en avez pensé et continuez à faire vivre l'esprit d'Emmy en partageant, en likant, en nous retrouvant sur Instagram et sur le site Emmy Vintage. On vous dit à très bientôt.